D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle? Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés au géobridge est plus utile comme exercice mental. Oui, mais enfin, il y a quand même une belle littérature latine. D'accord, personne ne parle plus latin. Personne ne parle plus latin. Est-ce qu'on parle encore latin? Non, personne ne parle plus latin. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. On apprend le latin pour d'autres raisons. Pour mieux savoir le français. Pour mieux savoir le français. Et puis, pour la discipline intellectuelle. Pour la discipline intellectuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on apprend le latin, selon Mireille ? Pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés ou jouer au bridge, c'est plus utile comme exercice mental. Faire des mots croisés est plus utile. Faire des mots croisés ou jouer au bridge. C'est plus utile comme exercice mental. C'est plus utile comme exercice mental. Qu'est-ce que Robert trouve supérieur au latin comme exercice mental? Les mots croisés ou le bridge? Ah là là, la littérature, c'est de la fiction, des mensonges, rien que des choses qui n'existent pas. Toute cette mythologie, est-ce que ça existe? Vous en avez vu, vous, des sirènes et des centaures? Et puis, qu'est-ce qui a jamais parlé en vers comme dans vos tragédies classiques? Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Allons, voyons, c'est ridicule. C'est artificiel, il n'y a rien de plus artificiel qu'une tragédie classique. Même les romans, ce n'est pas la vie, c'est de la fiction. La littérature, oh, la littérature. C'est de la fiction, des mensonges. C'est de la fiction, des mensonges. Rien que des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. Rien que des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que la littérature, selon Robert? De la fiction, des mensonges, rien que des choses qui n'existent pas. Et puis, qui est-ce qui a jamais parlé en vers, comme dans vos tragédies classiques? Qui est-ce qui a jamais parlé en vers? Qui est-ce qui a jamais parlé en vers? Comme dans vos tragédies classiques, comme dans vos tragédies classiques. Où est-ce qu'on parle en vers? Dans les tragédies classiques. Même les romans, ce n'est pas la vie, c'est de la fiction. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie. C'est de la fiction. Qu'est-ce que Robert pense des romans? Il pense que ce n'est pas la vie, que c'est de la fiction.